c'est que des gens, parmi les gens du livre, ou bien avant de rentrer dans le sujet, Al-Sheikh Abdurrazzaq Hafidhahullah Ta'ala a fait une introduction. Donc ce passage du Coran nous parle de la sorcellerie, de la gravité de cette action, du jugement de la sorcellerie, c'est du kufr akbar, du jugement du sorcier, c'est un kafir. Min akfari khalqillahi subhanahu wa ta'ala. Et ce passage du Coran fait partie des versets les plus clairs, nous démontrant la gravité de cette action et son jugement, ainsi que le jugement de ses adeptes. C'est que la personne ne peut atteindre la sorcellerie et devenir un sorcier, wal'iyadu billah, si ce n'est en passant par deux étapes. La première étape, jeter le livre d'Allah, wal'iyadu billah. Jeter le livre d'Allah, wal'iyadu billah. Et ceci est pris du verset 101. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. Ils jetèrent derrière leur dos le livre d'Allah, comme s'ils ne savaient pas. Ça, c'est la première étape qu'on demande à celui qui veut entrer dans le monde du kufr, wal'iyadu billah, et de la sorcellerie. De jeter le livre d'Allah derrière lui, de se détourner du Coran, de la parole d'Allah Azza wa Jal. La deuxième étape est prise de la parole d'Allah Azza wa Jal, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينَ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. C'est le fait de suivre ce que dictent les diables. Le fait de suivre ce que dictent les diables. Et le sorcier, on comprend donc de ces textes-là, que le sorcier est sahir min talamidhati shayatin wal'iyadu billah. Le sorcier, c'est un élève des shayatin. Le sorcier, c'est un élève des shayatin wal'iyadu billah. Tout comme les sahaba étaient les élèves du prophète sallallahu alayhi wa sallam. As-sahara talamidhatu shayatin. Ce sont les élèves des shayatin. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز أن الساحر لا يفلح ولن يفلح أبدا. Allah nous informe dans le Coran, dans sourate Taha, que le sorcier ne réussira jamais. Il ne réussira jamais, il n'obtiendra jamais la réussite. وَالْعِيَذُ بِاللَّهِ قال الله سبحانه وتعالى وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى. Et le sorcier ne réussira jamais où qu'il se rende. Quel que soit le chemin qu'il emprunte, quelle que soit l'œuvre qu'il veut accomplir, Allah Azza wa Jal ne lui écrira jamais la réussite. Al-Sheikh Hafidhahullah Ta'ala Abdurrazzaq nous dit, si cela est le jugement du sorcier, comment se fait-il que des gens se dirigent vers ces gens-là, vers les Sahara, afin d'obtenir un bien? Si Allah Azza wa Jal nous informe dans le Coran que le sorcier ne réussira jamais où qu'il soit, comment est-ce que toi tu pourrais te diriger vers lui à la recherche d'un bien quelconque? Wallahu al-musta'an. Puis, il nous dit, Hafidhahullah Ta'ala, que dans ce passage du Coran, ce simple passage du Coran, il y a 7 preuves de la mécréance du sorcier. Dans ce passage du Coran, il y a 7 preuves que le sahir, c'est un kafir billah al-azim. Premièrement, dans le verset 101, نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم. Certains à qui le livre avait été donné jetèrent derrière leur dos le livre d'Allah. ومن المعلوم, et c'est connu, أن نبذ الكتاب كفر, que de jeter le livre d'Allah عز وجل c'est du kufr. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, في قوله جل وعلا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. Deuxièmement, dans le verset suivant, le verset 102, et ils suivirent ce que les diables racontent contre le règne de Suleyman. أي من الضلال والكفر والإلحاد. C'est-à-dire comme égarement, comme mécréance, comme fausseté, وأباطل, وهذا من الكفر بالله. Et ceci est également de la mécréance. C'est la deuxième preuve. La troisième preuve, وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانِ. Allah nous dit, et Suleyman n'a pas mécru. هَذِي تَبْرِئَ. Naam. Ici, on a innocenté Nabi Allah subhanahu wa ta'ala Suleyman, مِمَّا نُسِبَ إِلَيْهِ كَذِبًا وَزُورًا مِنْ إِتْيَانِ السِّحْرِ. Dans ce passage, pourquoi est-ce qu'Allah nous dit وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانِ. Ici, Allah tabaraka wa ta'ala innocente Suleyman alayhi salam de ce qu'on lui a attribué, c'est-à-dire la pratique de la sorcellerie wal-iyadu billah. On comprend de cela que la pratique de la sorcellerie, c'est du kufr. Car Allah nous dit, Suleyman n'a pas mécru. Il l'innocente de la pratique de la sorcellerie. On tire de cela que la pratique de la sorcellerie, c'est quoi? C'est du kufr. Wal-iyadu billah. La quatrième preuve, وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُ. Mais ce sont plutôt les diables qui ont mécru. يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Ils enseignent aux gens la sorcellerie. Allah Azza wa Jal dans ce passage nous cite le jugement des shayatins, la mécréance. Et il rattache ce jugement à une action, laquelle يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Ils enseignent aux gens la sorcellerie. On tire donc de cela que l'enseignement de la sorcellerie, c'est du kufr. L'enseignement et l'apprentissage de la sorcellerie, c'est du kufr. قال الحافظ الحكمي رحمه الله تعالى في معارج القبول وكذلك كل من تعلم السحر أو علمه أو عمل به يكفر ككفر الشياطين الذين علموه الناس إذ لا فرق بينهم وبينه بل هو تلميذ الشياطين خريجه عنه روى وبه تخرج وإياه اتبع. Al-Hafid al-Hakami, grand savant rahimahullah ta'ala, nous dit suite à cela. Et c'est pareil, c'est-à-dire ils auront le même jugement que les shayatin, le kufr. Et c'est pareil pour toute personne qui apprendra la sorcellerie, ou l'enseignera, ou la mettra en pratique. Il deviendra mécréant, tout comme les shayatin ont mécru, de par leur enseignement de la sorcellerie aux gens. Car il n'y a aucune différence entre eux et lui. C'est-à-dire celui qui aura mis en pratique la sorcellerie, qui l'aura apprise ou qui l'aura enseignée. C'est plutôt l'élève des shayatin. Celui qui a obtenu son diplôme auprès d'eux. C'est d'eux qu'il a appris et c'est eux qu'il a suivi. Donc voici le jugement du sorcier. Wal-iyadu billah. La cinquième preuve qui nous montre que le sorcier est un kafir billahi al-azim, وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Mais il n'enseignait, ou bien, mais ceci n'enseignait rien à personne sans qu'il n'ait d'abord dit, nous ne sommes qu'une tentation, ne sois pas mécréant. Ne sois pas mécréant. Il y a deux anges du nom de Harut et de Marut qui ont été envoyés afin d'éprouver les gens. Ils ont été envoyés afin d'éprouver les gens. Donc ils leur transmettent cette science, mais avant, ils les avertissent. Et leur disent de ne pas mécroire. Ils leur disent de ne pas mécroire. Donc dans cela, il y a une preuve que celui qui prend cette science, c'est un kafir. La sixième preuve, وَلَقَدْ عَلِمْ. نعم ولقد علم لمن اشتراه أي السحر وهذا العلم ما له في الآخرة من خلاق. La sixième preuve est dans ce passage dont la traduction est et ils savent très certainement que celui qui acquiert, c'est-à-dire la sorcellerie, n'aura aucune part dans l'au-delà, n'aura aucune part dans l'au-delà. خلق أي نصيب وحظ. وجه الاستدلال أنه لا يقال هذا بهذا الإطلاق إلا في حق الكافر. Quelle est la preuve dans ce passage? C'est que ceux qui n'ont aucune part dans l'au-delà, ce sont qui? Qui n'a aucune part dans l'au-delà? Hein? Al-kafir. Celui qui n'a aucune part dans l'au-delà, c'est le kafir. Parce que même le pécheur, même le muslim, al-fasiq, al-milli, celui qui a des grands péchés, celui qui ne s'est pas repenti, mais dont les péchés n'ont pas atteint le niveau du kufr akbar et du shirk akbar, hadha tahta mashi'atillah. Ça, celui-ci sera sous la volonté d'Allah. Si Allah veut, il le châtie en temps déterminé, puis il le fait sortir de l'enfer et le met au paradis. Si Allah veut, il lui pardonne directement et il le met au paradis. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé que ce soit. En dessous de cela, il pardonne à qui il veut. Quant à celui qui rencontre Allah subhanahu wa ta'ala avec le kufr akbar ou bien le shirk akbar, il a donné un égal à Allah azza wa jal, il ne s'est pas repenti de cette action. Allah dans le Coran nous informe que à celui-ci il ne pardonnera pas. À celui-ci il ne pardonnera pas. Donc cette personne-là ira en enfer. Wal'iyadu billah. On apporte une correction. Il faut dire Hafidhul Hakami et non pas le Hafidhul Hakami. Idan bidunu al. Jazakumullahu khayran. Ceci est la sixième preuve du kufr, du sahir. La dernière preuve qu'a cité Al-Sheikh Hafidhahullahu Ta'ala est le début du verset suivant, 103. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا. Et si seulement ils avaient eu la foi, وَاتَّقَوْا, ainsi que la piété, لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Allah nous dit si seulement ils avaient eu la foi. Qu'est-ce qu'on comprend de cela? Oubliez, il nous dit une parole dans la traduction et ceci. Qu'est-ce qu'on comprend de cela? وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا. Ça veut dire qu'ils sont des... Na'am. Des kuffar. Na'am. Ka'annana nataraddad. C'est comme si on avait du mal à dire le jugement qu'Allah Azza wa Jalla a donné. Le kafir kafir. Hadi ahkam shar'iyya. Ce sont des jugements religieux. Wa tariqatu ahli sunnah. Et la voie de ahli sunnah. Wasatun. Bain al khawarij al ghula. Wal murji'a. Na'am. Et ahlul irja. Al-Khawarij, taxe de mécréants, ceux qui n'ont pas été rendus mécréants dans le Coran ni la Sunna. Al-Murji'a, innocente, les gens qui sont dans le kufr, alors que ceci a été cité dans le Coran et la Sunna. Amma ahl-Sunna, yassiruna ala tariqati al-Qur'ani wa Sunna, ala fahmi salafi al-Ummah. La voie de ahl-Sunna dans le takfir, c'est de suivre les textes religieux. Et lorsqu'Allah Azza wa Jalla nous enseigne que telle action est du kufr, que telle personne est un kafir, on cite cela. On cite cela. Après avoir regardé ijtima' al-shurut wa intifa' al-mawani', ce qu'on appelle la réunion des conditions et l'absence des excuses religieuses. Et l'absence des excuses religieuses. Voyez. On dit par exemple, Allah Azza wa Jalla dans le Coran nous informe que parmi les annulatifs de l'islam, il y a sihr, la sorcellerie. Il y a les textes. Donc le sorcier, on dit que c'est un kafir. Voilà nataraddat. Et on n'hésite pas dans cela. Puis, telle personne, parmi les serviteurs d'Allah Azza wa Jal, on entend que c'est un sahir. La personne qui a de la science va vérifier que cette personne, effectivement, est un sahir. Pour faire descendre le jugement d'Allah Azza wa Jal et lui appliquer à elle. Par contre, le fait de dire que le sahir, c'est un kafir, tu ne dois pas avoir de doute dans cela. Tu ne dois pas avoir de doute dans cela. Il ne faut pas tomber dans l'autre extrême. Il ne faut pas tomber dans l'autre extrême. Na'am. Comme voir par exemple celui qui insulte Allah Azza wa Jal. Ensuite on dit, Ya'ani Allahu alam si sabbullah. Ya'ani ça fait sortir de l'islam. Ou bien la personne, ma'adha, elle marche sur le Coran. Ou la personne, elle égorge pour autre qu'Allah Azza wa Jal. Ou bien elle a comme croyance qu'il y a un autre prophète après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien des choses wadihah. Na'am al-kufr al-bawah, عندنا من الله في القرآن برهان. D'accord. Donc il faut être dans le juste milieu في مسائل التكفير. Et ça n'est pas toute personne qui rentre dans ces مسائل. يعني on questionne les gens de science et eux nous éclairent. On questionne les gens de science et eux nous éclairent. هذه هي الوسطية. Voici le juste milieu dans ces مسائل. Voici pour cette introduction. Donc, si seulement ils avaient eu la foi, on tire de cela que ces gens-là n'ont pas la foi et il n'y a pas de manzila bayna manzilatayn, comme le disent les mu'tazila. Il y a les musulmans, il y a les kuffars. Il n'y a pas de chemin entre les deux. Na'am, il n'y a pas de chemin entre les deux. Celui qui n'est pas croyant, na'am, celui qui n'est pas croyant, qui n'a pas de iman, bihad al-ma'na, c'est un kafir. Voici pour ce passage. Donc les sept points cités sont les preuves de la mécréance du sahir de ce passage du Coran. Sinon, en dehors de ce passage, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de preuves qui nous montrent le jugement du sahir. Wa as'alullah subhanahu wa ta'ala al-aziz, al-alim, al-khabir, al-qawi, al-matin, an yantaqima min as-saharati al-kafara. On demande à Allah Azza wa Jal, le puissant, celui qui sait tout et qui voit tout, qu'il nous venge des sorciers et de ceux qui sèment le désordre sur la terre. As'alullah subhanahu wa ta'ala an ya'khudhahum akhdha azizin muqtadir. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il leur accorde ce qu'il mérite fi dunya. Kama as'aluhu subhanahu wa ta'ala an yashfiya mardana rida al-muslimin wa man usiba bis-sihr. Tout comme on demande à Allah Azza wa Jal de soigner ceux qui ont été touchés par le mal de ces gens-là. Wala hawla wala quwwata illa billah. Al-Sheikh, dans ce passage, va citer donc une cinquantaine d'informations tirées de ce passage. Certaines informations, il faut savoir qu'il les a prises directement des versets, et d'autres de ce qui a été rapporté concernant ce verset, d'autres des tafsir et des histoires se rapportant à ce tafsir. La première faïda, c'est que lorsqu'on a démontré aux gens du livre la vérité dans cette mas'ala, mas'ala concernant Suleyman et concernant la sorcellerie, ils ont délaissé, ou plutôt lorsqu'on leur a exposé les preuves, plutôt lorsqu'on leur a exposé les preuves, c'est-à-dire aux gens du livre, et on les a appelés à la vérité, ils ont délaissé le livre d'Allah en faisant comme s'ils ne savaient pas. Et ils ne se sont pas arrêtés là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu d'accepter les preuves du Coran, au lieu d'accepter les preuves de la révélation, ils se sont détournés, ils ont délaissé le livre d'Allah et ils ont ajouté à cela, utilisé comme preuve ce qu'il y avait dans les livres de l'égarement, comme les livres de sorcellerie. Non. Quand on t'apporte la vérité du Coran, qu'est-ce qu'il t'incombe? D'accepter ce qui vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam émanant d'Allah. Eux, premièrement, ils ont refusé cela. Mais deuxièmement, ils ont dit non, on n'accepte pas cela. Pourquoi? On a tel livre. On a telle preuve. Dans quel livre ils sont partis chercher? Quelle preuve est-ce qu'ils ont amené? Des livres de sorcellerie ou al-i'adu billah. Na'am, kutub al-dalala, les livres de l'égarement. Le livre duquel il s'agit dans ce passage, les savants ont divergé. Certains ont dit le Coran. Le livre qu'ils ont jeté derrière eux, qu'ils ont rejeté, c'est le Coran. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur est venu. Waqil al-Tawrah. Certains parmi les exégètes du Coran ont dit, c'est-à-dire la Torah, lorsqu'ils l'ont reçue, na'am, ils ont rejeté une partie de la Torah. Al-kutub al-batila hiya kutub al-sihr. Et les livres du faux, dont on parle dans ce verset, dans ce passage, c'est-à-dire les livres de sorcellerie. Car il fut dit que les shayatines ont réuni ces écrits et ils les ont cachés sous le trône de Suleyman. Et après sa mort, ils les ont déterrés, ils les ont exposés aux gens. Na'am, en leur faisant croire que Suleyman avait eu ce grand royaume Par quoi? Par quelle science? Par la science qu'il y avait dans ces livres de sorcellerie. Et cela est bien évidemment du mensonge. Wal'iyadu billah. La deuxième faïda, parmi les choses étonnantes, c'est qu'ils essayent d'argumenter et de débattre en face de la révélation d'Allah, en face d'un messager d'Allah. En face de la révélation d'Allah, en face du messager d'Allah. Et avec quelle chose? Avec des livres de sorcellerie. Avec des livres de sorcellerie. كان الواجب عليهم قبول ما جاء به الرسل. Ce qu'il était obligatoire pour eux, c'était d'accepter ce avec quoi leur est venu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais ils n'ont pas fait cela, ils ont débattu et se sont montrés orgueilleux en essayant de débattre avec quoi? Avec des livres de sorcellerie. Donc ne pense pas que la sorcellerie est arrivée à notre époque. La sorcellerie est ancienne. Et parmi ceux qui ont le plus pratiqué la sorcellerie, al-Yahoud. Parmi ceux qui ont le plus pratiqué et qui pratiquent le plus la sorcellerie, comme c'est connu, c'est le Yahout. Et les endroits dans lesquels il y a le plus la sorcellerie, na'am, ce ne sont pas les pays d'Afrique noire, les pays arabes. Na'am, il y a des états qui sont, dont la religion d'état, c'est la sorcellerie. Na'am, les pays comme Haïti, les pays comme Maza, d'autres, il y a la sorcellerie, c'est presque une religion d'état. Na'am, c'est un din pour eux, c'est une religion. Wal'iyadu billah. Al-thalitha, la troisième faïda, c'est que leur parole, c'est que la parole, ka'annahum la ya'lamun, c'est comme s'ils ne savaient pas, ça nous prouve qu'ils savaient. Ça nous prouve qu'ils savaient. Mais du fait qu'ils n'ont pas appliqué la science qu'ils avaient, on a parlé d'eux comme des ignorants. Celui qui a une science et qui ne l'applique pas, c'est comme s'il ne savait pas. Qala Qatada, le grand exégète du Coran, Qatada rahimahullah ta'ala, dit inna al-qawm kanu ya'lamun ka'annahum nabadhu ilmahum wa katamu wa jahadu. Ces gens-là, il nous dit donc Qatada rahimahullah, ces gens-là avaient cette science. Mais c'est comme s'ils ne savaient pas du fait qu'ils ont délaissé leur science. Ils l'ont caché et l'ont renié. Les gens du livre savent. Les gens du livre ont la science. Mais ils ont caché le message, puis l'ont altéré. Et vu qu'ils sont ignorants, pour beaucoup d'entre eux, ils se font tromper. Donc ne t'étonne pas de voir le grand nombre de gens adeptes le grand nombre des gens du livre embrasser l'islam. Car ils se posent des questions, mais on leur cache la vérité dans leur religion. Na'am. Lorsqu'ils arrivent à la porte de l'islam et qu'on leur explique, na'am, ils acceptent la vérité pour ceux qui sont sincères après qu'Allah Azza wa Jal eut accordé sa guidée, wa tawfiq, la réussite. Al-Rabi'a, la quatrième information, anna al-masa'il al-batila qad tunsab ila anbiya'i kadhiban 'alayhim. Une faïda très importante. C'est que les faussetés peuvent être attribuées aux prophètes. À des prophètes. Na'am, on peut mentir même sur des prophètes. D'où est-ce que l'auteur a tiré cette faïda? Qu'est-ce qu'ils ont dit sur Sulayman alayhi salam, le prophète d'Allah? Ils ont dit qu'il pratiquait la sorcellerie. Wa hadha batil. Et ceci est complètement faux. Donc on peut attribuer les choses les plus fausses, même à un prophète. Qu'est-ce qu'ils ont dit sur lui? Ils ont dit qu'il a acquis son royaume en pratiquant la sorcellerie. En pratiquant la sorcellerie. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla a cité son innocence. Na'am, son innocence. Donc parmi les gens du livre, certains ont prétendu que Sulayman alayhi salam avait acquis son royaume. Na'am. Et vous savez tous ô combien il était grand par la sorcellerie. Wal'iyadu billah. Al-Khamisa, la cinquième information qu'on tire de ce passage. Anna kutub al-ba'tila qad tudaf ila ba'd as-siddiqin. C'est que les livres du faux, comme la sorcellerie et autres, peuvent être attribués à certaines personnes très véridiques. À certaines personnes très véridiques. Comme dans cette qissa, il a été rapporté qu'ils ont dit que ce livre était à une personne pieuse. As-sadisa, anna dhalika mimma tatlu ay tumli ash-shayatin ala zamani al-anbiya kama waqa'a ashya fi zamani an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. La sixième information, c'est que cela fait partie de ce qu'ont dicté les shayatin au temps des prophètes. Na'am. Tout comme cela a eu lieu au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. As-sabi'a, la septième information, anna shayatin mazajat bihi al-haqq fi zamani Sulayman. C'est que les shayatin, une information très importante, les shayatin ont mélangé le faux au vrai au temps de Sulayman. Pourquoi cela? Les savants expliquent, ils disent que si le faux avait été faux de manière pure, c'est-à-dire à 100%, personne n'aurait suivi le faux. Na'am. Mais les gens du faux, qu'est-ce qu'ils font? Ils ajoutent à ce faux-là de la vérité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit concernant As-Sahara. Na'am. Ils nous disent que les shayatin leur viennent avec une vraie information et ils ajoutent à celle-ci sans mensonge. Afin que leurs adeptes disent, pour les défendre, lorsqu'on démontrera leur faux, leur égarement, ils diront « Ouais, mais tel jour, il avait dit la vérité. Oui, mais tel jour, il avait dit la vérité. » Donc, subhanallah, regardez les uqoul des du'afa, la raison des personnes faibles d'esprit, une bonne chose, en face de 100 mensonges, et ils suivent. Na'am, ils vont retenir que ce qui a été véridique. Ils vont retenir que ce qui a été véridique. Donc les gens du faux, ils disent « Qala Allah, Qala Rasulullah » mais ils ajoutent à cela. Alors que les gens du vrai, ils se limitent à cela. « Qala Allah, Subhanah, Qala Rasulullah, Sallallahu alayhi wa sallam, Qala al-Sahaba, wa ajma' al-ulama, wa ajma' al-salaf, wa haka. » Donc ne te fais pas tromper par ceux qui disent, oui, mais on a entendu, il a dit des versets. Oui, mais on l'a entendu, il dit des hadiths. Des hadiths, oui, mais on l'a entendu, il dit, qala ibn Baz, rahimahullahu ta'ala. Ceci ne suffit pas. Il faut peser sa aqidah sur le Qur'an wa sunnah. Il faut peser son manhaj. Il faut peser ses agissements, ses paroles, ses fréquentations. Na'am, chez qui il rentre, de qui il sort, avec qui il mange, qui il fréquente. Tu dois regarder tout cela avant de dire, na'am, avant de dire qu'il fait partie des gens du bien, des gens de la vérité. Na'am. Certaines personnes, lorsqu'elles sont mises en garde contre eux, lorsqu'on les met en garde contre Mada, contre les sorciers, ils disent « Oui, mais il a lu du Coran. Oui, mais sur la feuille qu'il a mis autour du cou de mon enfant, il avait écrit du Coran, il avait commencé à réciter du Coran. » Alors tu lui dis « Et ensuite, il a récité quoi ?» Il dit « Je n'ai pas bien compris. » C'est normal, tu n'as pas bien compris. Ce sont des noms des shayatin. Ce sont des invocations kufriya wa shaytaniya. Na'am. Allah musta'an. Donc il mélange le faux au vrai pour tromper la masse et véhiculer leur abatil, leur faux. Donc ne te laisse pas tromper par cela. Et de nos jours, les awam disent, oui, mais j'ai vu, il est habillé comme vous, il avait un qamis. Na'am, oui, mais j'ai vu, il avait la barbe comme vous. Ceci ne suffit pas. Ceci ne suffit pas. Na'am, il faut regarder quelle est la aqida de la personne, sa croyance, sa méthodologie, de qui il prend, qui est-ce qu'il fréquente. Na'am. Al-Thamina. La huitième information. Bayanu dalali man dalla mimma yadda'i al-ilm fi sha'ni Sulayman mimma nusiba ou mimma nusiba dhalika ilayhi wa stahsana. أو قدح في سليمان كما ضل أناس كثير في علي رضي الله عنه لما قتل عثمان رضي الله عنه. La huitième information. Est que on voit ici l'égarement de ceux qui ont prétendu la science concernant Sulayman, c'est-à-dire les gens du livre. Parmi ceux, donc ensuite il y a plusieurs catégories, il y a ceux qui ont dit que Sulayman pratiquait cette science, c'est-à-dire la sorcellerie. Il y a ceux Donc ils ont dit que c'est une bonne chose la sorcellerie vu que Suleyman l'a pratiquée. C'est le premier groupe. Le deuxième groupe, ils ont insulté Suleyman alayhi salam et ont parlé en mal sur Suleyman alayhi salam, eux aussi en prétendant qu'il pratiquait la sorcellerie. D'accord ? Ils sont même allés jusqu'à dire, parmi certaines personnes des gens du livre, ils sont même allés jusqu'à dire que Suleyman n'est pas un prophète. Et lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu avec le Qur'an et la Sunna, et qu'ils ont vu qu'il disait que c'était un prophète, ils se sont ris. Ils ont plutôt pris en raillerie et en dérision le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant, regardez, Mohammed, il dit que Suleyman est un prophète alors que Suleyman pratiquait la sorcellerie. Donc ils se sont divisés en deux. Une partie a rendu légitime la sorcellerie sous prétexte que selon eux, Suleyman pratiquait la sorcellerie alayhi salam. Est-ce que c'est compris? Le deuxième point, c'est ceux qui ont insulté et parlé en mal de Suleyman. Eux aussi en prétendant que Suleyman pratiquait la sorcellerie. وكلا الفريقين من أهل الكفر بالله العظيم والضلال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. Et nous, أهل الإسلام, أهل الإسلام, بحمد الله, nous disons que Suleyman عليه السلام est un des meilleurs prophètes et messagers d'Allah صلى الله عليه وسلم, et qu'Allah l'a favorisé à bon nombre de ses créatures et qu'il lui a enseigné la langue des oiseaux et lui a permis de communiquer avec les animaux et lui a donné encore beaucoup d'autres choses. Lisez surtout An-Naml par exemple. Et c'est un prophète fils d'un prophète. C'est un prophète fils d'un prophète. Comment est-ce que s'appelle le père du prophète Suleyman alayhi salam? Indaman. Daoud alayhi salam. Avec quel livre est venu Daoud alayhi salam à son peuple? Est-ce que j'ai un strabisme? Car des années, ça fait des années que quand j'interroge une personne, c'est celui d'à côté qui répond. Dites-le moi, je consulterai. Oui ou non? Ou bien je suis trop sévère, alors vous n'osez pas me le dire. Je suis sévère, Ahmed? Non? On est pendant Ramadan. Faut être véridique. Je suis sévère? Pas à ta connaissance? Je suis sévère? Pas du tout, dit-il. Aïe, je suis pas sévère pendant Ramadan ou toute l'année? Toute l'année? T'as dû rater beaucoup de cours, toi. Aïe. Donc, quel est le livre avec lequel est venu Daoud, alayhi salam, à son peuple? Az-Zabur. Naam, Az-Zabur. Quand est-ce qu'a été révélé Az-Zabur? Durant quel mois? Deuxième question, quand est-ce qu'a été révélé Al-Injil? Troisième question, quand est-ce qu'a été révélé Al-Tawrah? Quatrième question, quand est-ce qu'a été révélé Suhufu Ibrahim? Et dernière question, quand est-ce qu'a été révélé Suhufu Ibrahim, Moussa alayhi as-salam? Durant quel mois tous ces livres ont été révélés? Jibril. Shahru Ramadan, durant le mois de Ramadan. Et durant quel mois a été révélé le Coran? Le mois de Ramadan. Donc c'est un mois azim durant lequel, yani dans lequel nous sommes actuellement. Naam. Tous ces livres-là ont été révélés durant le mois de Ramadan, comme cela a été cité dans la Sunna. L'information suivante. At-tasi'a. Anna man fa'ala sihra kafar, walau arafa annahu batil. La neuvième information, notez-la et retenez-la. Celui qui commet de la sorcellerie, celui qui fait la sorcellerie, c'est un kafir. Yani il a mécru. Même s'il sait que la sorcellerie, c'est du faux. Yani c'est batil. Vous avez compris la faïda? Celui qui fait de la sorcellerie, celui qui pratique le sihr, c'est un kafir. Même s'il dit, je sais que le sihr, c'est batil. C'est-à-dire la connaissance du caractère caduque de la chose ne t'épargne pas le jugement de cette action. C'est compris? En d'autres termes, Celui qui dit la sorcellerie c'est du coup c'est batil, il ne faut pas la faire. Mais lui l'a fait. Est-ce que ça l'innocente? Non. Donc il y a deux mas'alas qu'il ne faut pas confondre. Qu'il ne faut pas confondre. La première, c'est l'ignorance de l'action. L'ignorance de l'action. Là, on est durant la journée de Ramadan. La personne vient de se convertir. Il sait que de manger et boire, c'est pendant la journée de Ramadan, ça n'est pas permis, ça annule le jeûne. Mais il ne sait pas que de commercer avec son épouse annule le jeûne. Alors il a des rapports le premier jour de Ramadan, le dixième jour de Ramadan. D'accord? À la moitié de Ramadan, il assiste à la khutbah, il entend quoi? Il entend que parmi les annulatifs du jeûne, il y a le fait d'avoir des rapports avec son épouse. Quel est le jugement de son jeûne? Hein? Son épouse aussi, elle vient de se convertir à l'islam et les deux ne savaient pas le jugement. Le jugement de leur jeûne, il est bon, il est valable. Ils n'ont pas à le rattraper parce qu'ils étaient ignorants. Là, je ne parle pas dans le kufr. Je ne parle pas dans la masala du kufr. Dans le kufr, al-uzb bil jahl et ainsi de suite, il y a une divergence. Là, je parle en deçà du kufr. En deçà de cette masala. Maintenant, une autre masala. La personne, elle ne sait pas. Que devra faire celui qui a eu des rapports avec son épouse durant le Ramadan? Il sait que ce n'est pas permis, mais il ne sait pas ce qui découlera de son action. Donc il a eu des rapports durant la journée de Ramadan. Ensuite, il vient voir la personne de science, ou l'imam, ou le mufti, et il lui dit, j'ai eu des rapports durant la journée de Ramadan. J'ai fait une chose grave. C'est quoi le jugement? Il ne sait pas que celui qui a des rapports durant la journée de Ramadan, alors qu'il n'a pas d'excuses, il ne sait pas qu'il devra affranchir un esclave. S'il ne peut pas jeûner 2 mois consécutifs, s'il ne peut pas, nourrir 60 pauvres. Il ne sait pas ça. D'accord? Il ne sait pas. Est-ce qu'on lui dit, comme il ne savait pas, son jeûne est valable, il n'a pas à le rattraper, il n'a pas el-kafara, est-ce qu'on lui dit ça ou pas? Non. C'est quoi la différence entre les deux mas'alas? C'est que le premier, il ne savait pas que c'était mal. Alors que le deuxième, il sait que c'est mal, mais il ne connaît pas la finalité du jugement et ce qui lui incombera en cas, le cas étant. Est-ce que vous faites la différence entre les deux mas'alas? Celui qui vient, il sait que c'est haram. Il dit, mais je ne savais pas moi qu'en faisant ça, il allait avoir ça. On lui dit, ça ne change rien au jugement. Ça ne change rien au jugement car tu savais que c'était mal. Et ça, les savants l'ont tiré du hadith d'Abi Huraira. L'homme qui a eu des rapports durant la journée de Ramadan avec son épouse. Donc celui qui fait le sihr, na'am, yakfur, wa naqada islama. D'accord? Même s'il reconnaît que c'est mauvais. Car la plupart des gens, déjà, ils savent que ce qu'ils font lorsque c'est mauvais, c'est mauvais. D'accord? Na'am. العاشرة أن الشياطين يعلمونه الناس. La deuxième faïda, c'est que les chiatines enseignent aux gens la sorcellerie. Qui sont les maîtres spirituels? Qui sont les enseignants? Qui sont les professeurs des Sahara, des sorciers? Ce sont les chiatines. Ça veut dire que lorsqu'une personne égarée ou ignorante va voir ce qu'ils appellent les fqih, ou les marabouts, ou les sorciers, ou les devins, ou les voyants, et tous ces gens parmi le kafar al-kadhaba, fajara, hein, ben ils vont voir les élèves, d'accord, et les apprentis des shayatins. Subhanallah, comment est-ce que tu peux accepter ça pour toi? Comment est-ce que tu peux accepter de venir déposer ta demande à l'apprenti, à l'élève, à l'étudiant des diables? A'oudhu billahi minash shaitani ar-rajim. Au lieu de lever tes mains vers Allah, le Seigneur des mondes, Ar-Rahman ar-Rahim, Al-Hayy al-Qayyum, Alladhi la yamut, Al-Ghani al-Hamid, Akram al-Akramin, tu vas tendre ta main devant un grand menteur, un trompeur et un sorcier. A'oudhu billahi min al-khuzlan. Qu'Allah nous préserve de cela. Celui qui sait que telle personne, c'est un sorcier, c'est un fqih, c'est un marabout, il faut le dénoncer. Il faut aller le voir et lui dire de craindre Allah de se repentir. Faut mettre, s'il n'arrête pas ça, il ne se repent pas, il faut mettre en garde contre lui, il faut le citer. Il faut dire son nom, il faut apprendre aux gens, il faut dire lui qui habite à tel endroit, c'est un sahir. Lui, c'est un sorcier. Lui, il fait des choses. il fait des gris-gris, et il fait des talismans, et il fait des choses comme ça, il faut le dénoncer. Voilà karam. Il faut faire dua contre lui. Naam. En sujoud, fais dua contre lui. Demande à Allah Azza wa Jal qu'il lui accorde ce qu'il mérite. Ces gens-là, ils sèment grandement le désordre sur la terre. Et ils font beaucoup de mal aux gens. Ils handicapent les gens dans leur adoration. Dans leurs adorations, al-iyadu billah. Walhamdulillah, Allah arham bi'ibadi minna. Mais alhamdulillah, Allah a plus de pitié que nous envers ses serviteurs. Et c'est un ibtila wa ikhtibar. C'est une épreuve pour ces gens-là. Naam, pour voir lequel d'entre eux va être patient, revenir vers Allah Azza wa Jal, utiliser que les causes permises, qui va faire plus d'adoration, qui va revenir vers Allah et demander à Allah à la guider, se soigner par le Coran et s'éloigner du shaitan, qui va revenir à l'istiqama. Tout ça c'est une épreuve et c'est un test. Il vaut mieux être malade toute sa vie, naam, en gardant son tawhid et son islam, que d'avoir la guérison mais avoir la mort du cœur et de son tawhid. Naam. En allant voir ces gens-là, en allant voir ces gens-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: celui qui va voir un devin ou un sorcier ou bien un voyant, ces gens-là, et qui croit en ces informations, aura certes mécru à ce qui a été révélé à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qui lui a été révélé? Le Coran. Les savants expliquaient, Allah a dit dans le Coran: قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ. Dit: personne ne connaît, que soit dans les cieux ou sur la terre, les choses de l'invisible si ce n'est Allah. Et la personne d'ici, le sorcier, connaît, donc il a démenti Allah. وَالْعِيَذُ بِاللَّهِ. Quant à celui qui va le voir juste pour lui poser une question, il est parti, il lui a juste posé des questions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاتٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا. Pendant 40 jours, on n'accepte pas de lui la prière. C'est-à-dire, il doit faire salat, mais on n'accepte pas de lui. Pendant 40 jours, juste pour être allé chez cette personne-là et lui avoir posé la question. Où sont ceux qui lisent les journaux et les magazines où il y a l'horoscope? Naam. Et ils lisent les signes. Ils lisent, comment est-ce qu'on appelle ça? Les signes astrologiques. Comment ça s'appelle? Il y a un nom. Les signes du zodiaque ou madriach. Toutes ces choses battent là et fausses. D'accord? Et des jeunes filles sont éprouvées par ça. Et elles achètent des magazines, c'est comme ça qu'on dit. Naam. Et où il y a des choses battent là, des mensonges plus grands les uns que les autres. Et on lui dit: tu vas te marier tel moment, et toi, pour toi, c'est le bonheur, pour toi c'est le malheur, pour toi kada, pour toi c'est l'argent, pour toi c'est la pauvreté. Tout ça c'est batil et c'est du shirk. Naam, la yajouz, c'est haram de lire ça. Naam, et d'y croire. Wal'iyadu billah. Aslan, tu ne fais pas rentrer ça chez toi. Naam, aslan, tu ne fais pas rentrer ça chez toi. Et les parents sont responsables. Naam, les parents sont irresponsables. Et parmi ceux qui prennent des grands péchés, ceux qui véhiculent cela, comme ceux qui distribuent les cartes et les pubs, naam, où il y a écrit le grand marabout, menteur un tel, le grand kafir un tel, le grand kaza, le grand kaza. Vous voyez ce dont je parle? Les cartes sont tellement pauvres et dans le besoin d'Allah Azza wa Jal, que même pour faire la pub, ils ne mettent pas une page entière. C'est un petit bout de papier. Ils sont tellement pauvres et dans le besoin d'Allah Azza wa Jal qu'ils ne peuvent rien ni pour eux ni pour toi. Que quand tu viens pour un service, soi-disant, tu dois égorger pour eux un poulet et leur donner la viande et ils mangent le poulet. Subhanallah, quelqu'un qui a besoin d'un poulet, comment est-ce qu'il va te secourir, te soigner, te donner un enfant, te donner. Il n'a pas le niveau de s'acheter un poulet tout seul. Naam, il tend sa main pour ça, pour de la nourriture, pour du riz ou du poulet ou de... Subhanallah, qu'est-ce qu'il va faire pour toi lui? Il ne peut rien faire pour toi. Qatalahumullah. La faïda suivante, al-hadiyata ashra, anna al-abda law balagha ma balagha fil ilmi fala ya'man makra Allah. La personne, quel que soit le niveau de science qu'elle a atteint, elle ne doit pas se sentir à l'abri du stratagème d'Allah. Naam, ne te sens pas à l'abri. Tu dois toujours craindre. Naam, et ne pas te sentir à l'abri. Les gens du livre avaient de la science ou pas? Ils avaient le livre. Na'am. Pourtant, regardez le batil dans lequel ils sont tombés, au point d'avoir parlé en mal sur Sulayman alayhi salam, le prophète d'Allah alayhi salam, fils du prophète Daoud alayhi salam. La personne peut tomber dans le kufr, elle peut tomber dans le shirk. Le prophète Ibrahim alayhi salam, imam ou al-anbiya et al-hunafa, nous dit Rabbi inna hunna wajnubni wa baniya anna abud al-asnam, Rabbi inna hunna avlalna kathiran minan nas. Ibrahim alayhi salam invoque Allah azza wa jal, demande à Allah de le sauver, lui et sa descendance, ou lui et ceux qui viendront après, de l'adoration des idoles. De l'adoration des idoles, du shirk wadih, des statues, des choses évidentes. Ibrahim alayhi salam a eu peur de ça pour lui-même, alors que c'est celui qu'Allah a élu et choisi. Il a eu peur pour ses enfants qui sont des prophètes, il a eu peur pour ceux qui viendront après. Donc tu ne dois pas te sentir à l'abri. Et comme l'a dit Ibrahim al-Taymi, وَمَنْ يَأْمَنُ الْبَلَىٰ بَعْدَ إِبْرَاهِيمِ. Et qui est-ce qui pourrait se sentir à l'abri de l'épreuve après Ibrahim? Na'am, tu ne dois pas te sentir à l'abri. Et lorsque les gens se sont sentis à l'abri du shirk, ils sont tombés dedans. Na'am, ils sont tombés dedans. Et rappelez-vous l'histoire du peuple auquel a été envoyé Nuh, alayhi salam. فَلَمَّا أُنْسِيَ الْعِلْمِ وَقَعُوا فِي الشِّرْكِ. Lorsqu'ils ont oublié la science, le shirk est apparu sur la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala. الثانية عشرة لا دوزيام فائدة لا ينبغي له التعرض للفتن وثوقا بنفسه بل يسأل الله العافية. Il ne convient pas de s'avancer vers le danger et de se mettre dans les choses où il y a des troubles en ayant confiance en lui-même, en soi-même. Na'am, mais il doit plutôt demander à Allah de le préserver. Ne va pas dans les choses où il y a des troubles. Demande à Allah Azza wa Jal de te préserver et éloigne-t'en. On va s'arrêter là, inshallah ta'ala, et on continuera. On est quel jour? On est jeudi. On continuera demain, inshallah ta'ala, après Salat al-Asr. صلى اللهم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Une faïda que je vais vous lire, comme a transmis, faïda sur l'ikhlas, sur la sincérité. كان طلحة بن عبد الرحمن بن عوف. طلحة كان من أجود قريش في زمانه. Faisait partie des gens les plus généreux chez les gens de Quraysh à son époque. قالت له امرأته يوما. Son épouse lui a dit un jour: ما رأيت قوما أشد لوما من إخوانك. Je n'ai jamais vu un peuple méritant plus de reproches que tes frères. Na'am, que tes frères. Pourquoi est-ce qu'elle a dit ça? Qala walima. Il lui a répondu pourquoi? Walima dhalik. Pourquoi cela? Qalat arahum idha tanaita lazimuk wa idha taqarta tarakuk. Elle lui a dit parce que quand tu es riche, ils sont toujours avec toi. Ils viennent tous vers toi. Et je remarque que quand tu es pauvre, ils te délaissent tous. فَقَالَ لَهَا. Il lui a donc répondu: هَذَا وَاللَّهِ مِنْ كَرَمِ أَخْلَاقِهِمْ. Ceci par Allah fait partie de leur noblesse de caractère. Ceci par Allah fait partie de leur noblesse de caractère. يَأْتُونَنَا فِي حَالِ قُدْرَتِنَا عَلَى إِكْرَامِهِمْ. Ceci fait partie par Allah de la noblesse de leur caractère. Pourquoi cela? Car ils viennent à nous lorsqu'ils voient que nous avons la capacité de nous acquitter de leurs droits. Quand on est à l'aise financièrement, ils viennent vers nous afin qu'on puisse leur donner ce qui leur revient de droit. Ils nous délaissent, ils s'éloignent de nous lorsqu'ils remarquent que nous sommes dans l'incapacité de nous acquitter de leurs droits. Et acquitter du devoir ou du droit? Les deux. Alhamdulillah. Vous avez compris? Donc son épouse, elle a fait les reproches des gens de son peuple et de ses frères. Quand tu as de l'argent, ils sont avec toi. Quand tu n'as pas d'argent, ils s'éloignent de toi. Lui, il lui a répondu, c'est un bon comportement qu'ils ont. Parce qu'ils viennent que quand j'ai les moyens de leur donner. Et quand je n'ai pas les moyens, ils s'éloignent. Naam, ils s'éloignent. علق على هذه القصة الإمام الماوردي فقال أن إمام a commenté cette histoire en disant انظروا كيف تأول بكرمه هذا التأويل حتى جعل قبيح فعلهم حسنا وظاهر غدرهم وفاء وهذا والله يدل على أن سلامة الصدر يدل على أن سلامة الصدر راحة في الدنيا وغنيمة في الآخرة وهي من أسباب دخول الجنة ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. Cet imam a commenté cette histoire en disant: regardez comment il a interprété leur action en la faisant passer pour de la générosité. Au point ou bien par sa générosité, il a dû à sa générosité, il a fait cette interprétation. Au point de faire passer ou de rendre leurs mauvaises actions bonnes. C'est-à-dire de venir quand il a de l'argent et s'éloigner quand il n'a pas d'argent. Cette chose, c'est une chose méprisable, reprochable. Ben ça, il l'a fait devenir quoi? Noblesse de caractère. Et en apparence, cette traîtrise, ce mauvais agissement, il l'a fait passer pour pour une bonne action. D'accord? Pour une bonne action et de la droiture. Et il nous dit, Wallahi, par Allah, ceci nous montre que la pureté de l'âme, le fait de rien avoir dans ton cœur contre tes frères, c'est un repos dans ce bas monde et un butin dans l'au-delà. Et une cause pour entrer au paradis. Puis il nous cite le verset dont la traduction est « Et on enlèvera ce qu'il y avait dans leur cœur contre haine, contre leurs frères. » Ils seront tous des frères sur des lits, se faisant face les uns contre les autres. Et allez au paradis, ils seront sur des lits, et allez en tant que frères, les uns en face des autres. Naam. Natawassa bi taqwallahi tabaraka wa ta'ala. Et pour conclure, on se recommande mutuellement la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala, wal jid, wal sabr, wal ijtihad. في طاعة الله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر المبارك ونسأل الله تبارك وتعالى أن يديم علينا هذه النعم بعد رمضان حتى نلقاه وهو عنا راض اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك الهدى والعافية اللهم إنا نسألك العافية اللهم إنا نسألك العافية اللهم إنا نسألك العافية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم تب علينا يا رب العالمين يا غفور يا غفار يا أكرم الأكرمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لأمي اللهم اغفر لأمي اللهم اغفر لأمي اللهم أكرمها بدخول الجنة اللهم أدخلنا الجنة اللهم أدخلنا الجنة يا رب العالمين وصل اللهم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم تقبل منا صيامنا اللهم تقبل منا صيامنا اللهم تقبل منا صيامنا وصلواتنا وأعمالنا يا رب العالمين والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك